Bonjour et bienvenue à Mel, petite cité de caractère située dans le département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine. La ville compte environ 6000 habitants appelés les Mélois. Mel est connue pour son patrimoine exceptionnel, ses églises romanes, ses anciennes mines d'argent et son rôle important au Moyen-Âge. Mais Mel, c'est aussi une terre de tradition. Ici, on déguste le célèbre œil du Poitou, un grand biscuit sablé à partager, ainsi que le bon chavichou du Poitou, un fromage de chèvre emblématique de la région. Cette balade ludique vous invite à découvrir la ville à travers son histoire, son architecture et son environnement naturel. Pour commencer votre parcours, dirigez-vous vers les Halles de Mel.